Bonjour à tous, bienvenue sur les projets du web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 27 octobre 2010 et c'est l'épisode numéro 19. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 19e épisode des projets du web. Alors tout d'abord, comme à l'habitude, je suis accompagné de William et de Lucas. Ils ont fouillé la toile pour vous dénicher des superbes sites. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Et surtout William, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Je te laisse commencer. Merci. Oui, je vous ai lâchement abandonné la dernière fois, je suis désolé. Non, mais il n'y a aucun problème, mais tant que ça va mieux, c'est bien. Et du coup, et Lucas, comment ça va? Ben moi, ça va toujours bien. Okay, bah... J'ai une bonne connexion, un bon micro, un bon ordi. Ça devrait le faire cette fois-ci. Ouais, parce que justement... Un bon ordi, t'as un Mac. Hein. Bon, avant de démarrer, je voulais justement... C'est un bon ordi, justement. ...faire un petit retour sur l'épisode précédent, parce que comme vous l'avez sûrement remarqué, on a eu affaire à une vague de problèmes techniques et humains, en l'occurrence avec le problème de William. Qui était quand même assez importante, et un animateur qui tombe malade, la connexion de Lucas qui fait des siennes, et pour conclure, j'ai quand même réussi à perdre 10 bonnes minutes de la fin de l'épisode, après avoir travaillé dessus pendant pas mal d'heures, pour essayer de le rendre écoutable. Donc je voulais simplement m'excuser, et je vous promets que ça n'arrivera plus, la prochaine fois j'activerai mes disques durs externes pour sauvegarder tout le temps. En plus de ça, je viens de remarquer que l'épisode dernier, finalement, était l'épisode anniversaire des projets du web, puisqu'on avait commencé, en fait, le 15 octobre 2009. Enfin, j'avais commencé seul le 15 octobre 2009. Donc, évidemment, je considère plus que le podcast a véritablement débuté avec l'arrivée de William en décembre 2009. Donc, on fera un vrai anniversaire. Merci. En décembre 2009. Donc voilà, en tout cas, je voulais noter ça. Ça fait un an, en tout cas, que le site est lancé, que les podcasts ont commencé. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté là-dessus. On va pas prendre plus de temps, on va directement se lancer dans la section projet. Lucas, c'est à toi. Ok, alors moi je vais commencer par vous parler d'un petit projet je trouvais plutôt sympa dans le principe, c'est Printing Facebook. Alors en gros, qu'est-ce que c'est? Ça nous propose de nous imprimer un poster de format à peu près de 50 cm par 100 cm avec tous les avatars de nos amis Facebook dessus. Donc voilà, ça se présente tout simplement comme une grille. On choisit la couleur du fond, la taille des icônes parmi 4 couleurs, 4 tailles. Ça peut nous afficher en gros de 200 à 2200 avatars en gardant un look à peu près sympa. Donc après, voilà, je trouve le principe plutôt sympa. Moi, personnellement, je trouve que ça pourrait faire bien, contre un mur ou quoi, d'avoir toutes ces petites icônes. Voilà. Bon, après, le prix est de 20 $ plus 6 $ de frais de port. Voilà sur ce que j'ai à dire là-dessus, sur le principe. Je ne sais pas si vous avez vu, vous, ce que ça peut donner. Je suis en train de montrer les images dans la chatroom. Après, il n'y a que ces formats-là ou il y en a d'autres? La taille du poster, c'est que celle-là de taille de poster. D'accord. Mais par contre, on peut choisir vraiment le fond et la distance entre les images. D'accord. Entre chaque petit avatar. C'est juste que le format... Qui nous permet d'avoir... Ouais, vas-y. Quoi ? Non, c'est juste que le format me déplaît un peu. Je suis pas le format portrait comme ça ? Ouais, voilà. Ah, moi j'aime bien justement. Bon, enfin après ça c'est une question de goût, mais en tout cas ça reste relativement peu cher, je trouve, parce qu'il pour un format de la sorte, et je pense que ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même au niveau du papier et de l'impression. Donc c'est plutôt sympa. Ouais, ça fait une chose, ça peut faire une déco plutôt sympa, quoi. Vu de loin, après, vu de près, il y a certains avatars qui doivent pas valoir le coup à regarder constamment. Ouais, c'est possible. Ça c'est printingfacebook.com, le lien sera dans les notes de l'émission. William, tu voulais nous parler de Contest App. Oui, donc Contest App, on avait parlé un petit peu de projets un peu similaires à l'époque. C'est tout simplement pour faire des petits concours sur tous les réseaux sociaux. Donc là, ça, c'est plus en lien avec Facebook. On avait plus eu avec Twitter. Je me souviens avec Lucas, notamment, je crois qu'on en avait parlé. Donc voilà, c'est tout simplement pour organiser facilement un concours. Ils disent de fidéliser l'audience, bah ouais, parce que voilà, forcément, gagner des petits cadeaux, des choses comme ça. Et voilà, pour se faire un petit peu remarquer pour des sites, par exemple, pour des blogueurs. Mmh. Et donc voilà. Finalement, c'est parce que j'avais même eu l'impression qu'on en avait déjà parlé, mais en fait, on avait parlé de TW Contest, qui était un projet qui ressemble énormément. Pour les Twitter plutôt. Ouais, qui est orienté Twitter. Donc en fait, vous avez ce qui est plutôt intéressant, c'est que Contest App plus TW Contest vous permet quand même d'avoir un panel assez large de sites communautaires que vous pouvez balayer en faisant vos concours. Donc voilà, donc c'est à mettre en relation avec TW Contest et ça vous permet d'avoir un ensemble de concours à poster sur les différents réseaux sociaux les plus fréquentés. Voilà, tu voulais ajouter d'autres choses sur Contest App ou... Non, c'est parfait. Ok, très bien. Donc, je vais continuer avec le troisième projet qui s'appelle Connect Tweet. Donc, c'est un projet qui a été réalisé par Google App Engine et Twitter, donc en collaboration, qui est en phase de bêta ouverte. Donc, vous pouvez le tester et qui vous permet en fait d'affiner vos recherches de hashtag par la sélection de personnes. Donc, je vais m'expliquer un peu mieux parce que c'est pas évident. Mais en fait, quand vous arrivez sur Connect App, vous pouvez entrer donc le hashtag que vous souhaitez rechercher. Mais en plus de ça, vous devez spécifier les noms des personnes que vous souhaitez suivre dans cette recherche. C'est une recherche à double variable qui vous retourne les tweets qui mentionnent le hashtag issu des comptes que vous avez spécifiés. Donc au niveau de l'utilité, moi sincèrement, je ne sais pas trop comment l'évaluer parce que vous l'avez sans doute remarqué, mais j'utilise que très peu Twitter. Principalement par manque de temps et du coup j'utilise encore moins la fonction recherche, je crois que je ne l'ai quasiment jamais utilisée, mais comme je sais que William et Lucas vous l'utilisez plus que moi en tout cas, est-ce que vous pourriez me dire ce que vous pensez d'un tel type de recherche en fait avec l'aspect de, où vous pouvez spécifier les personnes. Moi par exemple pour les recherches Twitter en fait j'utilise vas-y Lucas. Bah vas-y, non, vas-y, je te laisse. Parce que moi, pour les recherches Twitter, en fait, j'utilise bizarrement Google, en fait. Vu qu'ils ont intégré, en fait, les timelines depuis peu, ça me permet, en fait, de faire des recherches assez précises sur des lieux, etc. Et je vois tous les tweets, en fait. C'est le Google Update, si je ne me trompe pas. Et je n'arrive pas à utiliser le moteur interne de Twitter. Je trouve jamais ce que je veux, en fait. Mm-hmm. Pour donner un exemple, en fait, moi, de mes recherches, donc Lucas, par exemple, Moi je fais pas énormément de recherches, mais là ce qui peut être intéressant c'est quand on sait que par exemple il y a un certain groupe de personnes qui s'y connaît plus dans certains sujets, pouvoir rechercher que parmi leurs tweets, ça peut être plus intéressant. Ouais. Je pense. Par exemple au niveau du cinéma, il y a forcément des gens qui s'y connaissent très peu, mais c'est plus intéressant d'avoir l'avis de ceux qui s'y connaissent quand même. Donc à partir de là, ça permet de filtrer un petit peu plus, mais il faut filtrer manuellement. C'est le problème. Ce qui pourrait être intéressant, et je pense pas que c'est intégré, c'est de pouvoir faire directement via nos listes Twitter en fait. Donc de spécifier le hashtag et d'ajouter une liste Twitter, par exemple, si on a fait une liste des gens qui s'y connaissent dans le cinéma, n'avoir qu'à rajouter cette liste. Je pense que ça doit être possible ou que ça va être intégré. Et je pense que là, du coup, ça pourrait être plus intéressant, éventuellement. Donc, voilà, ça s'appelle. Mais c'est quelque chose qui manque, hein, par contre, je te coupe un petit peu, Mathieu. Mais c'est quelque chose que je trouve qui manque vraiment à Twitter, parce qu'il y a pas mal de trucs. En fait, il y a des fois, je voulais rechercher un tweet, en fait, que j'avais eu ou que j'avais vu, et pas moyen de remettre la main dessus, ou alors il faut plus ou moins deviner avec qui on parlait, et s'ils flouent un petit peu leur timeline, c'est impossible à retrouver. Donc, la recherche, c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'ils se mettent dedans, parce que de plus en plus, on a nos tweets qui sont très loin, et on aimerait bien les retrouver, ou ce genre de choses. Ouais, sans pour autant les mettre en favori. Donc sachant que là, c'est développé quand même par Google, mais en partenariat avec Twitter. Donc c'est quand même Twitter qui est intéressé par ce principe et qui pourrait éventuellement à terme l'intégrer directement dans Twitter peut-être. Donc voilà, ça s'appelle Connect Tweet. Vous pouvez directement le tester sur connecttweet.com. C'est en bêta. Allez l'essayer si vous utilisez souvent les recherches, ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, je laisse la parole à William qui va nous parler de Meet Food. Alors, je crois que c'est un peu particulier comme projet, non ? Un petit peu, oui. Ça me fait penser un peu au dîner presque parfait. Parce qu'en fait, Meet Food, ça va permettre de rencontrer des gens. Donc, il y a un petit jeu de mots en plus dans le kit. Ça va permettre de rencontrer des gens pour pouvoir passer un moment simple. Enfin, oui, sympa. Ou professionnel, mais autour d'un repas. Donc, ou d'un verre. Donc, ça peut être au restaurant, au pique-nique, c'est un peu ou à la maison. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser un peu au dîner presque parfait. C'est qu'on va dîner chez des gens. Et là, il n'y a pas le côté note. C'est vraiment plus convivial. C'est pour passer un bon moment, finalement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu original comme concept. Mmh. Et est-ce que tu as essayé? Ah non. Tu fais pas le travail jusqu'au bout. Non, je n'ai pas essayé. C'est pas sérieux ça quand même. Ouais, non, c'est pas sérieux parce que du coup. Mais moi, j'ai peur des gens. Ouais, mais moi je te paye aussi pour ça, donc il y a un moment. C'est ton boulot. Je t'ai pas au courant pour la paye par contre. Ouais, mais t'es pas. Tu m'intéresses. T'es pas dans le podcast depuis assez longtemps. On en parlera plus tard. Ah ok. Tu es entre nous, hein, tu. Ouais, je viens de faire une gaffe. Bon, cela dit, c'est meetfood.com. Si vous êtes intéressé, à vous d'essayer. Hein. Meetfood.com, c'est la version 1 apparemment. Je crois, oui, donc c'est disponible en anglais et en français. Donc voilà, allez-y. Et puis vous pourrez nous faire des retours sur ce projet. Lucas, tu nous parles de Flickchart. En fait, c'est un projet que tu devais déjà nous en parler, je crois, la semaine dernière, mais je te l'avais. Exactement. Ah, je suis désolé. Tu me l'avais honteusement enlevé. En fait, c'est pas grave, ça m'a permis de le tester justement encore un petit peu plus. Et voilà, donc Flickchart, c'est vraiment un de mes coups de cœur pour moi. Donc c'est un site tout simple, ça se présente tout simplement, l'interface est tout simple. Quand on arrive, on voit deux affiches de films et on doit choisir si on préfère celui de droite ou celui de gauche. Donc dans le principe, c'est tout simple, il y a juste des choix à faire. Et après, au fur et à mesure des choix qu'on fait, on va avoir une liste qui va se créer de nos films favoris. Donc de nos films favoris. Pour le classement de choix deux par deux, si un des deux films qu'on n'a pas vu, on ne le vote pas, on dit « Ah, celui, j'ai pas vu celui de droite, j'ai pas vu celui de gauche, j'ai pas vu celui des deux », et il nous le change. Et donc, en fait, au fur et à mesure, il affine les notes et le top en fonction, justement, de ces films-là, les uns par rapport aux autres. Donc après, pour pouvoir garder ça, il faut garder... attends, je trouve que... Donc pouvoir avoir toutes ces... Tu ne trouves pas tes mots? Pour avoir toutes ces... Ouais, non, c'est bon là, c'est bon. Pour avoir toutes ces fonctionnalités, bon, bien sûr, il faut se créer un compte. Donc c'est pas trop compliqué. Donc en fait, après, avec le compte, justement, on a plein de statistiques. Donc les films et tout. Là, par exemple, je regarde pour moi, j'ai déjà fait 325 notes. J'ai noté 325 fois et j'ai en tout, selon lui, vu 170 films pour le moment. Mmh. Donc voilà, après on a le profil, on a la possibilité d'avoir des amis, ouais. Il y a des discussions. Après, il y a tout ce qu'il y a dans un réseau social classique. D'accord. Voilà. La dernière petite spécificité, quand on vote pour un des deux films, il y a marqué sur la droite des petites statistiques, donc la note, notre note chez nous, dans notre top personnel, le top dans le top de tous les utilisateurs, le pourcentage de personnes qui l'ont vu et le pourcentage de fois qu'il a été vu ce film, le pourcentage de fois où ce film a gagné. D'accord. Et du coup, ce que je me demande, est-ce qu'en fonction plus on affine ses choix, enfin plus en disant si oui ou non on aime plus un film qu'un autre et tout, est-ce qu'à terme il nous propose des films qui pourraient nous intéresser ou pas ? Les films qui apparaissent aléatoirement. D'accord. Vraiment, je pense qu'ils apparaissent aléatoirement dans le. Justement, c'est juste pour noter, avoir son top, c'est pas dans le but de nous faire découvrir de nouveaux films. Les votes, on peut les filtrer par genre, par date, par casting et équipe. Donc là, à partir de là, on verra d'autres films, mais ça ne nous propose pas un résumé, ça nous propose juste l'affiche, le titre. Donc ça affine pas au fur et à mesure de nos choix les films qui éventuellement pourraient de plus en plus nous plaire ou non. Ce qui est affiné, c'est ton top 20, en fait. Ok. Mais Lucas, tu penses pouvoir te fier en fait à ce site-là, par exemple, si tu recherches, si tu tombes sur un film, tu vois 5 étoiles, Est-ce que tu peux lui faire confiance ou c'est quelque chose tu vas quand même mettre quelques petites réserves parce que bon, c'est un peu communautaire, donc tu sais pas trop qui a voté. Bah ouais, enfin après ouais, faut faire confiance ou pas. Après quand on voit un film qui est le si on prend le top 5, hein, je vais aller voir le top 5 total. Alors 2 secondes. Juste pour se donner une petite idée. C'est sûr que plus il y a de votes, après, plus on peut faire confiance. Voilà, ça s'affine et tout. Parce que moi, je vois déjà mon top 5. Bon, c'est pas vraiment mon top 5, mais c'est vraiment que des films que j'ai vraiment, vraiment aimés. Et après, on peut toujours affiner nos recherches en triant que par les, en votant que parmi les films qu'on a vus. Donc là, ils nous proposent que des films qu'on a vus et petit à petit, ça affine, ça affine, ça affine. Mais par exemple, je prends là le top 5. Donc, le top 5, c'est le premier, c'est Batman The Dark Knight, qui est pour moi un très bon film. Star Ouais, Wars, je confirme. donc l'épisode 4. Star Wars épisode 4, après L'Empire contre-attaque, Pulp Fiction et Raiders of the Lost Ark. Donc je crois que c'est Indiana Jones et les aventuriers de Ouais, l'arche l'Arche perdue. perdue ou un truc comme ça. Donc le top 5, je regarde même le top 5, même le top 10, j'ai pratiquement vu tous les films et je sais qu'ils sont bien. Donc ça reste, pense pas aussi précis qu'un IMDb pour le top de tous les utilisateurs, mais ça donne une idée en plus. D'accord. Ouais, D'accord. donc ça s'appelle flickchart.com. Voilà, exactement. Ben, je crois que c'est tout pour les projets de cette semaine. On va enchaîner avec l'actu et tips. Et Lucas, c'est encore à toi. Ok, donc moi je vais vous parler de conv2pdf.com. Donc alors conv2pdf, qu'est-ce que c'est? C'est un petit site qui nous propose tout simplement de convertir un fichier en PDF directement en ligne. Donc par exemple, bon, si vous n'avez pas de logiciel que vous voulez envoyer un PDF, ça marche super bien. C'est mother friendly. Je l'ai fait essayer à ma mère sans rien lui expliquer. J'ai juste envoyé l'adresse. Elle a réussi. Donc c'est que c'est vraiment facile. Au niveau des formats convertibles, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tout ce qui est texte et images, c'est converti pratiquement. Donc après, il nous propose quelques options pour gérer les permissions du PDF, mais c'est facultatif. Après, ça convertit, ça nous offre directement un lien, soit pour le télécharger directement, soit pour le visionner. Donc voilà, Ouais, donc moi quand j'ai même. trouvé ça, c'est super pratique quand on a besoin. Ça m'est arrivé d'avoir besoin des PDF et voilà, enfin, ça. Cela Clairement, ça nous permet de se passer d'un logiciel. ouais, cela dit, tu sais quand même que si tu es sur Mac, ça se fait très facilement. Comment? Oui, mais pas quand tu es sur l'iPhone. Enfin, Pas c'est plus, enfin, sur quand tu l'iPhone, es. tu sais, il y a plein de documents, tu es obligé de les mettre en PDF pour les regarder, et Ouais, non, dans c'est. iBooks par exemple. C'est sûr, Et mais donc sur du coup, Mac, il faut convertir en PDF un peu tout, quoi. sur Mac, presque toutes les applications te permettent quand même de convertir en PDF quand tu appuies sur la touche imprimée. De plus en plus, oui, c'est vrai. Je sais qu'OpenOffice, par exemple, permet, Oui, aussi. sur, par exemple, l'espèce de Word, en fait, l'équivalent, il permet de convertir en PDF aussi, c'est vrai. Ouais, aussi. Donc voilà, donc c'était Mais con. enfin, j'ai trouvé ça quand même vachement plus pratique. Parce que bon, je sais que bah, là, toujours pour ma mère, je vais lancer ça parce que j'avais pas envie de perdre du temps à lui expliquer dans OpenOffice, enregistrer sous, devoir choisir les formats et tout. Je fais, tu passes par ça, c'est facile, tu t'embêtes pas et tu envoies directement par email à la personne. Ah oui, j'ai oublié de préciser ça. Une fois qu'on a fait la conversion, il nous affiche en combien de temps ça a été converti. On peut le télécharger, l'envoyer par email ou le sauvegarder en ligne. D'accord. Donc ça nous permet aussi de le garder justement donc sur les serveurs pour l'envoyer par email directement. Donc ça offre justement des solutions vachement plus faciles, Et je il y a trouve. une durée de stockage où il est à vie stocké chez les. Ah ben ça je sais pas du tout par contre. Parce Je que vais aller vérifier. bon, enfin à la limite on le dira, on le précisera dans les notes de l'émission si on le trouve, mais enfin, c'est quand même assez Si on étonnant. le sauvegarde pas, il est supprimé au bout de 15 minutes. D'accord. En tout cas. Et ouais, donc la sauvegarde dans votre espace personnel, ça veut par définition dire qu'il sera sauvegardé tant que l'espace personnel sera présent, j'ai l'impression. Ouais, voilà, je Donc pense que c'est ça. ouais, bon, on vous précisera ça si éventuellement on trouve l'information, on le mettra dans les notes de l'émission. T'avais d'autres choses à ajouter sur conf2pdf ou? Moi non. D'accord. William, Gmail Help, qu'est-ce que c'est? Oui, donc Gmail Help, en fait, c'est un petit peu comme une fac qui va permettre de vérifier en fait des points de sécurité sur sur le compte Gmail. Parce que mine de rien, le compte Gmail, il a pas mal de choses maintenant. Avec le Google Checkout, il a notre carte bancaire éventuellement. Il a nos mails, il a pas mal de choses. Nos Wave, super importante qu'on a par exemple. C'est un petit outil qui va consister en 5 étapes un petit peu et qui va nous permettre donc de vérifier tous les éléments de sécurité qui pourraient être un peu défaillants sur notre ordinateur. Donc par exemple sur le navigateur, de ne pas installer trop de plugins, d'applications tierces en fait, qui pourraient être malveillantes, on va dire. De vérifier aussi que son système d'exploitation est à jour, qu'on n'ait pas de virus, de ce genre de choses. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas trop et qui souhaiteraient un petit peu sécuriser leur ordinateur, c'est pas mal du tout. Ça leur permet en fait d'avoir point par point ce qu'ils peuvent faire, de changer leur mot de passe ou comment trouver un peu plus entre guillemets compliqué à déchiffrer. Donc voilà, c'est une petite aide à la sécurité de Gmail. Mais alors pourquoi, ouais. Finalement, c'est la sécurité, entre autres, de ton navigateur et de ton ordinateur. Pourquoi ils considèrent que c'est dépendant de Gmail ? Pourquoi ça pourrait pas être un service indépendant qui permet de chez Google, qui permet simplement de vérifier son ordinateur, son browser, etc. Je vois pas pourquoi en fait ils le mettent en parallèle de Gmail et pourquoi ça pourrait pas être un service complètement dépendant. Non, mais c'est juste une aide, c'est des conseils en fait, si tu veux. Je suis d'accord. C'est un peu dans cette idée-là, quoi. Mais là, par exemple. Parce que les gens ne savent pas forcément, tu vois, qu'en installant un plugin, si tu ne sais pas trop d'où il vient, il peut par exemple trouver tes mots de passe ou genre des choses comme ça, par exemple. Donc là, ça leur permet, tu vois, d'être conscient en fait d'un petit peu de ce qu'il y a, et éventuellement prendre un antivirus s'ils n'en ont pas, ou passer sous Linux, des choses comme ça. ouais, mais du coup, ouais, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être un service indépendant. Et pourquoi ils le mettent dans... Tu voudrais que ce soit un programme qui analyse l'ordinateur, c'est ça que tu voudrais ? Non, absolument pas. Je voudrais que, par exemple, ça soit, Google Checker, ou j'en sais rien comment ils l'appellent, mais que ça soit pas... Là, c'est Google Help, et je pense que c'est pas assez explicite. C'est dans le support de Gmail, et je vois pas pourquoi ça pourrait pas être un service en tant que tel, en fait. Et je vois pas pourquoi ils considèrent que c'est interne à Gmail. Mais bon, parce que du coup, c'est quand même assez difficile à trouver comme... Ouais, j'avoue que sans le lien, j'avais essayé de le chercher sans le lien, j'ai abandonné au bout assez vite parce que je ne voyais pas. Donc c'est pour ça que je me suis gardé le lien de côté, parce que sans le lien, c'est vraiment galère à trouver, j'ai l'impression. Parce qu'ils mettent ça dans la... Je sais pas si t'as essayé. Bah ouais, ils mettent ça dans la section support de Gmail, qui est une section... Enfin, ouais. Les sections... Parce que pourtant, c'est intéressant, et c'est justement les gens qui s'y connaissent pas qui devraient y avoir accès, qui devraient regarder justement ces gens qui s'y connaissent pas. Et les gens qui s'y connaissent pas ne vont pas le trouver d'eux-mêmes. Voilà, un peu plus en avant et pas forcément intégré à Gmail à ce point-là. Peut-être un service que tout le monde puisse, accessible à tout le monde et voilà, indépendant de Gmail. Donc voilà, mais en tout cas, vous pouvez y accéder puisque vous avez le lien, si vous nous écoutez sur le site juste en dessous de vous, c'est dans les notes de l'émission, ça s'appelle Gmail Security Checklist. Voilà, donc cliquez dessus, faites un peu le test et ça vous sauvera la vie. Je vais enchaîner avec un autre produit de chez Google qui s'appelle Google Shopping, donc qui arrive en version bêta en France. Ça existe depuis un bout de temps aux États-Unis et dans d'autres pays, mais ça arrive en France. C'est arrivé le 21 octobre, je crois. Donc voilà, Google vient simplement concurrencer les nombreux comparateurs de prix qui sont déjà présents en France. Le site en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Ça, c'est Google-like, c'est très, très épuré, c'est plutôt beau. Après, d'ailleurs, sur le départ, je trouvais que j'étais tout le temps dans la recherche Google. Je me suis dit, mais c'est bizarre, j'avais jamais vu ça dans la recherche. En fait, non, c'est un onglet en plus, j'avais pas fait gaffe. Ouais. C'est exactement l'interface d'une recherche Google basique. Exactement, il y a juste des photos de chaque catégorie, téléviseur, iPod, réveil, lumière, etc. Donc voilà, très épuré, très classe. Mais je pense que là où ils pourraient, enfin là où ils ont des points forts, et où pourraient se faire remarquer, c'est notamment à l'aide de l'affichage des produits issus de Google Shopping directement en fait dans les recherches Google.fr qui font leur apparition. Par exemple, si vous tapez appareil photo numérique, vous pouvez avoir des liens directs vers Google Shopping, mais directement intégrés dans les résultats de votre recherche comme des liens sponsorisés, par exemple. Ce que je pense qu'il serait intéressant de faire plutôt, c'est que quand ils voient qu'on recherche quelque chose qui est disponible sur Google Shopping, nous afficher sur la gauche, là où il y a les différents filtres, nous afficher shopping pour pouvoir sélectionner directement shopping en fait. Ouais, là, c'est... Plutôt que devoir passer sur la page, aller sur Google slash product, ce serait plus rapide. Voilà, mais eux sont partis du principe que là, ils vont l'intégrer directement, comme tu dis, dans le... ça c'est déjà même en train d'être fait. Si vous tapez un produit directement dans la barre de recherche Google, donc Google Web, vous pouvez voir afficher, bon, là ça sera directement dans les résultats, ça sera pas vers la droite, mais ça sera dans les résultats, les produits comparés par Google Shopping, et voilà. Donc ça peut être un aspect qui peut faire que, comment dire, ouais, l'utilisateur grand public qui même, et même les personnes non initiées au comparateur de prix qui n'ont pas pour habitude de l'utiliser, pourraient se mettre à utiliser des comparateurs de prix en le voyant arriver directement au sein de Google. Donc je pense que c'est là-dessus qu'ils peuvent se baser pour avoir un aspect plus intéressant que les autres. Sinon, sincèrement, le site en tant que tel, google.fr/product, n'a rien d'extraordinaire. Et voilà, c'est un comparateur de prix comme les autres qui est même, à mon goût, peut-être un peu plus faible que les autres au niveau du contenu. Donc ça, après, ça reste à confirmer. Voilà, est-ce que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter, oui? Moi, ouais, j'ai un truc à rajouter. Donc là, je viens de tester avec une recherche Google toute simple. J'ai lancé télévision comme recherche Google. Et donc, effectivement, en fait, comme j'aimerais que ce soit, j'avais pas fait attention. Sur la gauche, on a les différents fils, par exemple, tout, images, vidéo, actualité. Et il y a shopping maintenant. Et pareil, sur la barre du haut, il y a web, images, vidéo, maps, actualité. Et maintenant, il y a aussi achat. Donc en fait, on peut accéder directement au comparateur de prix. Ouais. Et c'est franchement bien. Ouais, c'est ça. Donc c'est dans les onglets de gauche. Après, par contre, quand tu parles des onglets de droite, je vois pas de quoi tu parles. Non, de ceux de la barre du haut. La barre du haut où on peut choisir entre web, images, vidéo, ah oui, maps, achat. Actualité, oui. Achat, Gmail et plus. Oui. Là ça, où on a tous les services Google en fait. Voilà, ils l'ont intégré de cette manière. Mais après, eux, ce qu'ils comptent faire même à terme, c'est l'intégrer en tant que... tu vois les liens commerciaux, ils voudraient l'intégrer au même titre que les liens commerciaux directement dans la recherche, pour que ça soit encore plus... Là, j'ai peur par contre que ça fasse beaucoup, parce que là, par exemple, en tapant de télévision, on a déjà la barre de droite qui est réservée aux pubs, où il y a plein de liens de pubs. Les trois premiers liens qui sont aussi réservés aux pubs, où il y a déjà des pubs, si en plus ils rajoutent les comparateurs de prix. D'ailleurs, le jour où on cherche vraiment juste un produit pour voir des tests ou quoi, il va falloir vraiment scroller bas pour trouver les tests. On a d'abord trouvé le comparateur de prix et tout. C'est pas... Ouais, mais... Je pense pas que ça soit super. Vaut mieux le garder séparé, je pense, quand même. Je suis d'accord, mais pour leur portefeuille, c'est superbe, par contre. Oui, c'est sûr. Et ça, je pense que c'est... Bon. Après, on a déjà vu pas mal de fois Google revenir en arrière sur des avancées qu'il faisait. Si éventuellement les utilisateurs se font entendre et font comprendre que ça les embête un peu. Mais je pense que, enfin, ils l'ont évoqué et je pense qu'ils le feront. Après, est-ce que ça restera? Ça, on ne le sait pas encore, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était Google Shopping. Bah pareil, le lien, c'est dans les notes de l'émission. On reste sur Google avec Lucas, parce que Google fait quand même plein plein de choses. C'est une extension pour Google Chrome, c'est ça? Exactement, donc ça s'appelle Google Web Spam Report by Google. Donc c'est une toute petite extension qui s'installe et qui nous permet, dans une recherche Google, de signaler un site comme étant du spam. Donc, alors par exemple, on fait une recherche, donc ça va s'afficher sur les liens en bas de la recherche. Et quand, du coup, on en choisit une comme spam, là, ça nous ouvre Google Outils pour les Webmasters avec rapport de spam qui nous explique tout ce qu'il y a. Donc, après, on sélectionne page web ou site concerné, requête exacte à l'origine du problème, donc la recherche qu'on a fait, page du résultat Google concerné par le problème. Et après, on choisit le type de problème. Donc, par exemple, texte ou lien masqué, page masquée, site ou page en double. Il y en a plusieurs et on peut rajouter des informations supplémentaires. On signale comme spam, ils reçoivent tout ça et après ils font en fonction. Donc c'est assez facile, ça pas super contraignant, mais bon, si vraiment on veut le faire, c'est pas super contraignant. Mais se taper vraiment tout le. Se taper tout le rapport de spam, Ouais. Là, le c'est truc, bof à chaque fois. c'est Si on doit le que faire à chaque fois, c'est un peu relou. je vois pas trop en fait les individus qui seraient qui iraient par eux-mêmes vouloir installer cette extension et vouloir parcourir les recherches Google et reporter tous les spams qu'ils trouvent. Non, si c'était juste un signalé comme spam et après ils se débrouilleraient, à la limite, ouais, parce que bon, par exemple, les personnes qui ont des propres sites, quand ils tapent une recherche de leur site, ils voient qu'il y a d'autres sites qui passent avant, mais qui n'ont aucune raison d'être là. Hop, ils pourraient essayer de les faire passer parce que c'est nuisible pour eux. Après, c'est vrai que pour l'utilisateur lambda, enfin, je pense que le moteur de recherche et leur algorithme est suffisamment efficace. Donc je vois pas, moi non plus, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais bon, ça existe, ça existe, ça peut servir. Mais ce que je comprends Voilà. pas, c'est que quand on voit le widget, enfin l'extension, pourquoi c'est pas intégré directement à Google? Enfin, il n'y a rien qui empêche. Techniquement, c'est complètement faisable à même le site, en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, parce que de toute façon, ça s'affiche à même le site, ça s'affiche en bas. Voilà, c'est pour ça. Donc tout le C'est monde connaît Google, il y a le titre, un tout petit résumé, disons, l'URL écrite en vert, et là il y a marqué en vert, en cache, page similaire, et maintenant moi j'ai aussi marqué signaler du spam, Voilà, tout simplement. je le montre là aussi à la chatroom, et c'est pour ça que je ne comprends pas, parce qu'en fait c'est juste, enfin, ou si à la limite ils auraient très bien pu le faire au lieu de le faire en extension, dans les paramètres de confidentialité, dans les paramètres de Google, activer ou ne pas activer le bouton report spam, quoi. Mais je comprends pas pourquoi passer par une extension en fait. Bon. Ouais, moi non plus, c'est peut-être en attendant, ils se disent peut-être pour voir quoi, si cette personne installe l'extension, ils le mettront. Ouais, mais Mais je sais alors, pas. ouais, je trouve que c'est Mais encore. après, je sais pas si c'est vraiment développé par Google. À partir C'est du ça que je me moment où demande, il y a puisqu'il y a marqué. marqué by Google. Le créateur, c'est webspam-chrome-extension@google.com. Ouais, si, c'est On passe évidence. après par outils pour webmaster de Google. Donc ça a l'air assez officiel quand Si, même. si, si, Donc c'est vrai si. que c'est bizarre qu'il n'ait pas intégré directement. Pour qu'il y ait marqué by Google dans le Google Chrome extension, c'est que forcément. Parce que s'il ne laisserait pas une extension marquée by Google si c'était pas par eux. Donc Ok. c'est forcément par eux. Voilà pourquoi c'est un peu étrange, mais bon, ça a le mérite Ouais, de mais ils vont. exister. Ils Oui. vont peut-être faire un petit peu la même chose qu'au niveau de Mozilla, par exemple, Mozilla, le Firefox Sync, c'est-à-dire en fait, c'est les marque-pages, en fait, tout le browser qui est synchronisé en fait sur ces différents navigateurs. Bah, c'est le marque-page, en fait, sur Chrome, c'est pareil, qui est, tu sais, tes marque-pages, ils sont synchronisés entre tous les ordinateurs. Bah, il y a pareil avec Firefox, et en fait, au début, ils l'avaient en plugin. Et dans la version 4.0, en fait, ça va être implémenté de base, donc peut-être que dans. Soit sur le site directement ou dans les prochaines versions de Chromium, on verra ça apparaître, D'accord, c'est un comme peu tu leur. disais, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent à chaque fois dans le dernier épisode. D'accord. C'est un peu leur phase de bêta en passant par Peut-être, les oui. extensions, quoi. C'est D'accord. bizarre Pour qu'ils éviter passent de pas par le l'imposer à tout le labs, monde. du coup. Pardon? C'est bizarre qu'ils passent pas par le labs, du coup, en fait. Ouais, Ah, c'est vrai, ouais. aussi. En général, c'est avec le labs qui teste les nouvelles fonctions ou avec les Native Bleed, quoi. Pour ça que Tu ça. marques un bon point, Lucas. Voilà, donc en tout cas c'est un peu étrange, mais ça existe, vous pouvez le retrouver dans le Chrome extension. Voilà, c'est étrange et on se demande pourquoi ça passe par une extension. C'est un peu louche à mon avis. Enfin voilà, c'est Google Web Spam Report. William, tu vas nous Je parler crois de... qu'on a fini Ouais. avec Google pour aujourd'hui. Ouais, ouais, Du coup, on ouais, n'a ouais. plus de news Google après Ah, ça? si, si, si, si, il en reste une. Et Ah, ça plus ou sera... moins une encore. Ah, autant pour moi. Si, si. Autant pour moi. Non, non, non, quand je dis que Google fait énormément de choses, c'est juste impressionnant quand même. Ouais, je Là. m'en rends compte Impressionnant. depuis qu'on fait le podcast. Je crois qu'il n'y a pas une seule émission où on n'a pas parlé de Google. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est énorme ici. Ils ont un débit de nouveautés qui est assez important. Bon, on a deux projets qui ne parlent absolument pas de Google, donc on va essayer de s'attarder un peu plus dessus pour éviter que les auditeurs pensent qu'on est fanboy. Donc ça s'appelle Zero Following et c'est William qui nous en parle. Oui, bah c'est un projet très très simple, un projet site. Donc Zero Following, ça permet de repartir à zéro en fait, tout simplement. Et donc voilà, quand on est un petit peu perdu, on a, je sais pas, on a 200, 300 following, on a follow, disons, à peu près tout le monde, ou dès que quelqu'un Sur nous follow, Twitter, on faut le follow préciser. sur Twitter, pardon. J'ai oublié de préciser, mais Et parce que et c'est vrai que bah, The Bully on qui est peut vite se sur perdre. On a quand même The Bully qui utilise Google Buzz. Il utilise Google Buzz. Il aurait pu se tromper éventuellement. Je te laisse continuer. Voilà, donc j'avais presque fini parce qu'en fait ça sert juste à repartir à zéro. Et puis voilà, on refait une petite liste de personnes qu'on veut follow au fur et à mesure. C'est pour faire un petit peu le grand ménage. C'est un petit peu comme sélectionner tous ses mails et hop, à la corbeille, plutôt que de d'essayer de trier un par un, quoi. C'est un peu une méthode radicale, mais apparemment ça marche. Lucas m'a dit qu'il avait fait tester avec ça fonctionne. J'ai testé sur j'ai trouvé un cobaye parmi mes amis et je lui ai fait essayer. Ça fonctionne, je confirme. D'accord. Bah justement, moi, j'ai deux choses déjà à dire. La première chose, c'est que le site est horriblement moche. Ça. Ah oui, mais on s'en fiche. Il n'y a horriblement rien dessus, quoi, finalement. Ah ouais, mais limite, ça fait peur, quoi. Tu te logues et après, on arrive juste un bouton. Je suis d'accord, mais le problème, c'est que ça fait presque peur et ça ne donne pas spécialement envie d'appuyer sur le bouton parce que ça fait le site page HTML de base. Ça fait presque peur d'appuyer sur le bouton. Personnellement, moi, il m'inspire aucune confiance, ce site. Bon, il y a ça. C'est pour ça que j'ai trouvé un cobaye pour le tester, quand même. Justement, et la deuxième chose, c'est que je savais que c'était possible, mais le fait que là, ça supprime tous les followers et tout ça, c'est quand même fou que simplement en slogan avec son compte Twitter via un site externe, il puisse avoir accès et puisse supprimer des followings sans notre accord. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais Mathieu, avant que tu t'emballes là-dessus, n'oublie pas que sur Facebook, toutes les applications, tous les tests, tous ces trucs-là, ils ont accès à tout ton profil et à toutes tes données. Ils ont accès, mais ils peuvent pas modifier, par contre. Ça fait partie de l'API. C'est comme on avait déjà eu un site qui en slogan avec Twitter dessus. Il nous permettait de voir qui était le plus vieux follower. C'est différent. Parce que comme ça, l'API est assez ouverte pour pouvoir tout checker. Oui, c'est on peut supprimer. Étant donné qu'on peut supprimer à la main depuis un client externe les followings, les followers, ça finalement ça prend juste cette fonction là et ça les fait un à un parce que quand on lance le truc en fait il nous affiche un à un les followings qu'on supprime. Je suis d'accord, mais par rapport à l'API Facebook, là où toutes les applications Facebook peuvent avoir accès à nos données. Ça, j'en suis conscient. Mais sur Twitter, ils peuvent avoir accès et aussi modifier les données. Et c'est ça cette application, si on l'accepte, c'est justement pour modifier les trucs. Je suis d'accord, mais c'est une fois qu'on l'a accepté, après, on va la supprimer des applications autorisées, tout simplement. D'accord, mais parce il n'empêche que n'importe quelle application pourrait le faire. Potentiellement, à partir du moment où on lui donne l'accès, les applications le font. Oui, dans les paramètres de Twitter, en fait, tu as une petite option connexion. Et là, tu vas voir toutes les applications qui ont eu accès et qui l'ont gardé. Je les supprime toutes à chaque fois parce que ça me. Ton client Twitter, tu sais, il peut supprimer des tweets. Donc, il a accès à pas mal de choses. Tu peux follow des gens directement depuis le client. Donc, l'API, comme Lucas disait, l'API est très ouverte. Donc, faut savoir à quoi on donne accès, quoi, tout simplement. Le seul truc, c'est que je le savais, mais c'est en voyant ça que je me suis dit, c'est vrai que. Que tu as réalisé. Voilà, j'ai réalisé qu'elle avait accès et que du coup, elle pouvait tout supprimer, tout. En fait, c'est le fait que ça soit à ce point-là important en un seul clic que je me suis rendu compte de l'importance de l'API et de l'accès que donnait. Que l'on donnait en acceptant à chaque fois une application externe. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, franchement, ce qui m'a fait peur pour ce site, donc c'est pas du tout ça, c'est les gens qui font du mass follow, en fait. C'est un truc qui vraiment m'énerve. Quand je vois que quelqu'un m'ajoute, je vois qu'il a 18 000 followers et à côté de ça, 18 000 following. Pour moi, c'est pas un vrai compte. Et ça, en fait, il y a des gens qui s'amusent aussi à faire grimper leur compte de followers un maximum grâce à ça. Et après, ils repartent à zéro pour faire genre je suis super important. Ouais. Je suis 200 personnes parce que je suis un vrai utilisateur. Et à côté, j'ai 20 000 personnes qui me suivent. Suivez-moi. Ouais. Il y en a qui jouent à ça. C'est vraiment un truc qui m'énerve. Franchement, qui m'énerve. Et ça rend encore la chose vachement plus facile du coup. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment moi ce que j'aime pas dans ce site, quoi. Après, bon, le coup que ça aille dans l'API, ça le fasse automatiquement, ça m'étonne pas du tout, étant donné que n'importe quel client externe sur ton téléphone ou sur ton ordi, finalement, le fait aussi. Oui, c'est vrai qu'en y repensant, c'est logique et je le savais. C'est juste que voilà, ça m'a choqué en le voyant. Je comprends après. Mais pourquoi, à la limite, parce qu'on peut se poser la question de pourquoi ils ne donneraient pas accès à chaque fois qu'on se connecte à une application externe, je crois que c'est le cas sur Facebook, sélectionner plus ou moins des critères que l'on accepte d'ouvrir à l'API en fait. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais sur Facebook, quand on accepte une application. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que ça serait bien ça. C'est vrai que ça serait bien de pouvoir exactement sélectionner quelle partie de l'API on ouvre à quelle application. Voilà. Mais dans le fond, le trois quarts des applications, c'est des clients. Donc en fait, les clients, ils ont vraiment besoin de toute l'API à chaque fois, quoi. Ouais, non, je suis. Après, il faudrait que les applications aient en fait, par exemple, qu'une application ait un certain libellé finalement. Ouais. Donc une application qui s'appelle client, on décide que pour les clients on ouvre toutes les API, pour les autres types d'applications on ouvre qu'une partie. Ça serait que ça pourrait être intéressant. Parce que ça, pour le coup, c'est implanté dans Facebook, mais Twitter a pas du tout cette manière de gérer l'API. Et je trouve que même parce que sur Twitter on partage aussi vachement moins de choses. C'est ça qu'il faut voir. Oui, non, je suis d'accord, mais ça reste, on partage quand même de l'information, même si c'est pas le même type d'information et que c'est pas. Ah oui, justement. Mais c'est vrai qu'il y a pas les informations, tu sais, réelles, genre d'où est-ce que tu peux habiter et par exemple des photos, ce genre de choses, parce que les photos sont en externe, donc c'est vrai qu'en fait il y a que des tweets, des textes, donc normalement, enfin c'est un peu moins sensible, disons, que Facebook. Mais d'accord, ça reste quand même. Ça reste de l'information personnelle. Ça reste de l'information personnelle. C'est nos propos qui sont stockés. Oui, tout à fait. Même si c'est pas des informations concrètes, ça reste des propos qu'on a tenus sur la toile et qui peuvent être accessibles. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez faire le retour à zéro, c'est zerofollowing.com à retrouver dans les notes de l'émission. J'enchaîne avec le site love2recycle.fr. Alors en fait, le site Love to Recycle, il est bien connu, je pense, et il permet en fait aux internautes de se faire racheter son téléphone mobile par le site, mais enfin pour une certaine somme en fonction de s'il est en état de fonctionner, s'il est un peu cassé, tout ça. Mais là, ils viennent d'ouvrir une nouvelle section depuis, je crois, un peu moins d'une semaine, qui est celle des ordinateurs portables. Donc à côté des mobiles, vous pouvez cliquer sur PC portable et vous pouvez vous faire racheter votre ordinateur portable pour des sommes qui sont pas forcément ridicules. Ça va jusqu'à 800 € quoi, pour les MacBook Pro. Je crois que c'est des MacBook Pro qui sont à 800 €, oui, si je me trompe pas. Et du coup, donc non seulement vous gagnez un peu de sous et en plus, vous faites un petit geste écolo. Et il y a déjà 14 555 PC qui ont été repris depuis le lancement de la section ordinateur. Donc ça marche plutôt bien. Donc évidemment, vous allez peut-être pas le faire avec votre dernier ordinateur acheté très récemment, mais si vous avez un ordinateur qui commence à se faire un peu vieux, que vous savez pas spécialement quoi en faire, vous pouvez toujours vous le faire reprendre par love2recycle.fr. Je trouvais que c'était important à le noter. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, William ou Lucas? Ça me permet d'acheter le MacBook Air finalement. Le MacBook Air. Oh là là, tu vas acheter ça, Lucas? Non, je rigole. Je le trouve vraiment bien. Mais vraiment trop cher. Puis j'ai pas les moyens. Ah ouais. Je viens de m'acheter le MacBook Pro, je vais pas partir sur moins bien et presque aussi cher. C'était une petite blague. S'il me fait de l'œil quand même. Il te fait de l'œil, mais avec un disque dur 64 Go pour déjà une somme. C'est un disque dur SSD. Ah, c'est même pas SSD, c'est flash. C'est du SSD éclaté en fait. C'est un SSD qu'ils ont ouvert et qu'ils ont étalé pour prendre moins de place en épaisseur, mais c'est du SSD. Ok. Ouais, on garde la rapidité d'accès et tout, donc c'est super. C'est un ordinateur d'appoint. Il faut avoir un vrai ordinateur. On perd le refroidissement. Ça peut pas être un ordinateur principal. Enfin, un ordinateur d'appoint à partir de 1100 €. Enfin, non, je sais pas combien ils sont. Non, 1000 €. Ouais. 1000 € l'on se pousse. 1000 € le. Ça fait cher l'ordinateur d'appoint, mais en dehors du prix, moi j'aime. Ouais, 1000 € le. On pousse à 64 Go, ça fait quand même un peu mal. Après c'est sûr que le prix est abusé, mais si on enlève le prix, il est parfait. Ouais. Bon, cela dit, on dérive complètement. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur Love to Recycle? Ben, Oui, donc absolument je rien, disais, non. moi Oui, aussi j'avais un petit truc, enfin, c'est pas grand chose à dire, mais par exemple, je voyais, il y avait City Star qui a The City Star, qui ben. cherchait en fait à recycler son iPhone 3GS 32 Go, et ben là en fait ça va lui permettre peut-être de essayer de tirer un petit peu de sous là-dessus et pour après changer pour un iPhone 4 par exemple. Donc ça permet en fait d'avoir un recyclage plutôt que de le perdre ou de le donner à quelqu'un, bon bah ça fait des sous quoi. Donc ça c'est pas mal. Ouais, et donc l'iPhone 3GS, tu me dis, 32 Go, Ouais. Il prendra combien? il prend 225 euros en état Ouais, fonctionnel. c'est. Donc oui, c'est quand même très... C'est quand même pas mal, hein. Ouais, c'est quasiment... Ouais, c'est super intéressant. C'est à peine moins le prix qu'il pourrait le vendre sur, par exemple, le Bon Coin, C'est quoi. ça, exactement. C'est C'est pour ça quasiment le même que... prix qui se négocie sur le Bon Coin. Donc voilà, en état fonctionnel, il faut que le mobile puisse s'allumer, que l'affichage n'ait aucun défaut au niveau de l'écran, que l'écran soit intact, l'écran tactile et toutes les touches soient fonctionnelles, que le mobile soit complet, donc aucune touche, batterie ou trappe de batterie qui manque, et que le mobile peut présenter, à la limite, il peut présenter des signes d'usure générale, tels que des rayures, des bosselures, des fissures mineures et tout ça. Ça, c'est pas un problème, mais voilà, faut que l'écran soit en bon état principalement et qu'il fonctionne. Et là, vous recevez Mais c'est 225 euros. parfait pour moi, ça. Ouais. Donc Ouais, c'est peut-être le faire, tiens. Non, non, c'est sincèrement, c'est très Ah ouais, intéressant. moi aussi, j'ai un téléphone qu'il faudrait que je me sers pratiquement plus maintenant que j'ai le nouveau, mais qui est, bon, rayé, craquelé, fissuré, mais C'est... l'écran est intact et les touches aussi. Alors après, je sais pas s'ils reprennent n'importe quel téléphone. Par exemple, là, je sais pas si tu veux bien dire ce que c'est ton téléphone que tu voudrais rendre. HTC Magic. HTC Magic. Oui, ils le reprennent et je vais te dire ça tout de suite. 71 euros en état fonctionnel. Comment? Soit Combien? 71 euros en état. Oui, si, 71 euros Ouais, bon, je vais le garder pour faire joujou et en. toutes mes conneries. Voilà, bon, en tout cas, c'est love2recycle.fr. Ça marche pour les mobiles et PC portables. Et je pense que ça continuera à se développer parce que ça marche très, très, très, très bien. Il y a beaucoup, beaucoup. C'est le numéro 1 du rachat de mobiles en France. Donc 500 000 mobiles rachetés et puis déjà pas mal de PC portables rachetés. Donc voilà, love2recycle.fr. Bon, on a fini. On va devoir reprendre Google, Eh oui. malheureusement, parce qu'ils nous ont encore fait une mise à jour. William, tu vas nous en parler? Oui, c'est en fait la nouvelle version de FeedBurner qui va prendre en fait en compte les statistiques temps réel. Donc ça, c'est un petit peu le truc à la mode en ce moment, c'est d'avoir tout qui s'actualise en temps réel, tout qui apparaît devant nous automatiquement. Donc je connais pas en fait les détails avant, si on devait attendre par exemple la journée à minuit, donc les 24 heures, ou Alors, toi qui es peut-être plus ouais. familier avec. Moi, je veux bien en parler parce qu'en fait, je l'utilise pour les projets du web. Donc, juste pour rappel, D'accord. FeedBurner, en fait, ça permet de gérer vos flux RSS. Enfin, de vous faire. Comment l'expliquer simplement? Ça vous permet de vous faire un flux RSS. Je ne sais même pas comment expliquer, en fait. Mais en fonction du flux RSS de votre blog, il recrée un flux RSS parallèle. Qui est plus accessible et qui vous permet surtout, l'intérêt principal, c'est les statistiques, parce que du coup, tout ce qui se passe sur votre flux, les abonnements et tout ça sont répertoriés par Google FeedBurner, et vous avez une page de statistiques qui avant était sincèrement très, enfin, qui était dépassée. Enfin, d'ailleurs, elle est toujours parce que c'est une version qui est accessible que sur une. La nouvelle version n'est accessible pour le moment que via une adresse particulière, mais elle n'est pas encore effective. Et donc, en fait, l'ancienne version était plutôt lente. Je crois que c'était effectivement aux alentours de minuit que ça se rechargeait. En tout cas, vous ne pouviez pas voir les visites de la journée en cours. C'était assez mal foutu, il n'y avait pas énormément de stats, enfin, c'était pas très très bien fait. Là, j'ai commencé à me balader un peu dessus, c'est mieux. Après, ça manque encore de beaucoup de choses, parce que je pense qu'à l'aide d'un flux RSS, on peut encore retrouver plus d'informations que ce que là il nous propose. Faire des stats plus pertinentes. Enfin, nous donner des valeurs plus intéressantes. Je pense qu'il pourrait encore le faire. Après, c'est vraiment, vraiment pour l'aspect temps réel que c'est intéressant. Bon, c'est une mise à jour qui finalement fait simplement remettre au goût du jour FeedBurner. Cela dit, je crois qu'ils sont largement en position de force dans ce domaine, donc ils avaient presque pas besoin de le faire. Donc voilà, FeedBurner en tout cas va être mise à jour. Et si vous voulez déjà le tester, parce que avant que ça soit mis en place, la nouvelle version, il y aura les liens dans les notes de l'émission. Est-ce que vous vouliez en parler, William ou Lucas, rajouter encore un truc ou... Bref, tant qu'on est dessus, j'ai une question. On est à combien d'abonnés? Combien d'abonnés RSS actuellement? Pour tout dire, je vais repasser sur l'ancienne version parce que j'ai un peu de mal avec la nouvelle. Et je vais te dire ça, on est à 303 abonnés. Ça compte les abonnés à iTunes ou pas, Sam? Voilà, complètement. Alors, je vais, là pour D'accord. la chatroom, vous pouvez voir un peu l'ancienne version. Donc, on est passé de 302 abonnés hier à 303. On était à 238 il y a le 23 octobre. Enfin, bon, là, ça monte pas mal. C'est cool, ça. Ensuite, ce qu'on peut voir, donc, c'est les inscriptions en fonction de où ça vient et de, enfin, si ça a été fait via iTunes ou Windows. Donc pour information, nous par exemple il y a 145 inscrits via iTunes ou Windows, 116 via iTunes Mac, tout de même 17 qu'on ne connaît pas. Après il y a des Google, après il y en a plein d'autres. Il y a macOS X, XSS Reader, il y a iTunes mais Other, je crois que ça doit être via des iPads, iPhone ou je ne sais quoi. Enfin voilà, vous pouvez voir quand même quelques stats qui sont intéressantes. Vous pouvez savoir non, je ne sais même pas ce que c'est en fait tout ça. Enfin voilà, si vous vous lancez dans le podcasting, en tout cas, c'est quelque chose de très très important parce que le RSS, c'est la base du podcast d'une manière générale. Du coup, c'est principalement pour le podcasting que c'est intéressant, je pense. Pour un blog, il y a peut-être des outils qui sont un peu plus pertinents que je ne connais pas et que je serais heureux de connaître si vous voulez bien nous faire parvenir des informations. Ouais, de ce que j'ai pu voir, c'était vraiment pour le formater ton RSS et par exemple le mettre à disposition d'iTunes. Voilà, et ensuite les statistiques. C'est apparemment ce que j'avais compris, c'était vraiment ça qui était vraiment important. Enfin, très très bien fait dans FeedBurner et que beaucoup aimaient, quoi. Et ça gère pas mal les enclosures. Je sais pas si ça se dit comme ça, les enclosures. C'est le fait d'ajouter un MP3, de lier un MP3 en fait, enfin un fichier MP3 à sa news et qui du coup est reconnu par iTunes en fait. Ça permet de faire ça assez facilement. Moins plus facilement directement via le RSS que l'on génère via son blog. Donc voilà, c'est moi pour le podcasting, je trouve ça assez intéressant. Pour les blogs d'une manière générale, je ne sais pas si c'est le plus utilisé et le plus intéressant. Bah, si j'en crois ma timeline Twitter, tous les blogueurs que je suis parlent de FeedBurner apparemment. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est ce qui est vraiment le plus utilisé. Oui, je pense que c'est vraiment. C'est ce que j'ai cette impression aussi. Ouais, c'est un peu le leader, on va dire. Voilà. Bon, Google encore une fois, et on va finir malheureusement sur Google. On a commencé sur on a commencé sur Facebook, je dis n'importe quoi. Bon, en tout cas, on finira sur Google. Donc juste les petits rappels de où vous pouvez nous laisser vos commentaires. Donc c'est sur www.lesprojetsduweb.fr ou lpdw.fr, ça marche aussi. Sur iTunes, vous pouvez toujours nous en laisser. Je suis pas allé voir parce que j'ai pas énormément de temps, mais la prochaine fois, je lirai des commentaires iTunes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, les projets du web tout attaché. Il y a aussi notre compte Facebook, les projets du web. Et un nouveau truc, alors juste, il y a une des adresses qui n'est pas encore active, c'est celle de Will, je crois, mais on a nos adresses email, donc c'est lucas@lpdw.fr, will@lpdw.fr et mathieu@lpdw.fr. Il y a juste celle de Will qui n'est pas encore active à mon avis parce qu'il doit m'envoyer quelques petites choses. Et voilà, donc si vous voulez nous contacter individuellement, vous pouvez le faire via ces adresses-là ou évidemment via Twitter et tout ça, mais c'est peut-être plus facile par mail de nous envoyer des textes plus longs. Des messages. Voilà, des messages. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que c'est tout. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant la fin de... Oui, ouais, j'en ai un. Au niveau du répondeur Skype, où est-ce que ça en est? Je n'en sais absolument rien parce que sincèrement, j'ai pas eu du tout le temps de m'en occuper. Je vais le noter et je vais regarder. J'espère que je pourrai l'activer d'ici le prochain épisode, mais pour le moment, malheureusement, j'ai pas pris le temps de le faire. Parce que notre Anna Choubi est très triste de ne pas pouvoir laisser de message. Alors, si elle veut vraiment, je peux lui laisser mon numéro de fixe personnel et je pourrais toujours récupérer le message et le passer à l'antenne. Si vraiment elle veut nous laisser un message, il n'y a aucun problème. Elle me demande par DM mon numéro de fixe. Ben voilà, c'est tout pour vous deux. Vous avez un petit message personnel à faire passer vous vendez une voiture? Là, moi, aucunement, personnellement. Non. Bon, du coup, on va se retrouver dans 15 jours pour l'épisode numéro 20, qui cette fois-ci sera, même si c'est pas exactement vrai, ça sera l'épisode anniversaire, parce qu'en plus ça tombe sur un chiffre rond, j'aime bien, donc le 20e épisode, donc on va essayer de prévoir quelque chose d'assez sympa, peut-être un intervenant ou quelque chose comme ça, mais j'y réfléchis, il faudra d'ailleurs que j'en parle avec mes co-animateurs. Donc voilà, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode numéro 20. Salut Lucas, salut William, salut à la chatroom. Merci. Salut vous deux. Merci encore d'être là. Et donc on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode numéro 20. Salut.